temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire titrée « Destin des images » pendant laquelle nous allons nous attacher à comprendre comment certaines images deviennent iconiques. Et pour commencer cette série de 4 émissions avec Victor Massé de l'Épinay ce matin, nous allons démarrer par l'icône elle-même à partir d'une des icônes du XVIIe siècle crétois, nouvellement exposée au Petit Palais à Paris. Nous nous interrogerons toute cette émission sur la particularité de cet art et sur son histoire. Pourquoi et comment la représentation du Christ, de la Vierge et des saints est-elle devenue possible? Pourquoi cette représentation a-t-elle provoqué, entre autres, la crise iconoclaste? Comment cet art, souvent considéré comme figé, a-t-il constamment évoluer en fonction des événements historiques? C'est ce que nous verrons avec nos deux invités de la deuxième partie de cette émission. Grégoire Aslanoff, il est avec nous en studio à Paris, il est ingénieur d'études au CNRS et enseignant à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Et François Bofslug est en duplex avec nous depuis les studios de la RAI à Milan. Il est auteur, entre autres, de Dieu et ses images chez Bayard. Mais pour commencer, nous démarrons cette émission devant une œuvre au musée du Petit Palais à Paris. Cette œuvre est intitulée « En toi se réjouit toute la création ». On se retrouve après ce reportage de Victor Massé de l'Épinay et Marie-Laure Ciboulet à 9h30. Ô pleine de grâce, en toi se réjouit toute la création, le cœur des anges et le genre humain. Tu es le temple sanctifié, le paradis spirituel, la gloire des vierges, c'est en toi que Dieu a pris chair et se fit petit enfant, lui notre Dieu éternel. Vous êtes conservatrice du département byzantin, ici au Petit Palais où vous nous accueillez, dans un espace qui vient d'être créé en novembre 2017. Oui, nous avons pu, grâce à un mécénat, créer une nouvelle salle qui n'existait pas, gagnée sur un ancien espace de réserve, pour présenter cette merveilleuse collection d'icônes léguée il y a 20 ans par un particulier, Roger Cabal. Icônes qui sont la plus grande collection publique en France, dans un pays où cet art est peu représenté. Et icônes aussi adjointes maintenant à des objets byzantins qui étaient présentés ailleurs dans le musée, ce qui donne un aperçu de l'Orient chrétien depuis Constantinople, avec des objets en ivoire du Xe siècle jusqu'au XIXe siècle. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une icône. En quelques mots, l'icône, c'est donc un des pans majeurs de l'art byzantin qui a commencé au début de l'Empire byzantin, peut-être au 5e ou 6e siècle, et qui s'est étendu tout le long du Moyen-Âge jusqu'à la chute de Constantinople et qui a continué après. Et ici, nous avons donc des icônes byzantines et post-byzantines, et on peut dire qui viennent aussi d'une ère géographique plus large. Oui, ce sont des icônes qui sont post-byzantines. On a des objets d'art qui datent de l'Empire byzantin, mais pour ce qui est des icônes, elles sont toutes post-byzantines, créées à la fois en Russie, en Crète et dans les Balkans étant alors dans l'Empire ottoman, donc créé dans un environnement musulman. Et alors l'icône à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui est une icône crétoise qui date de la première moitié du XVIIe siècle. À cette époque, la Crète appartenait à Venise, c'est bien ça? Absolument. La Crète est vénitienne depuis la quatrième croisade en 1204. Les Vénitiens ont profité de cette croisade pour étendre leur empire en Méditerranée et ils sont restés plusieurs siècles, notamment en Crète, qui leur appartient jusqu'en 1669. Et dans cette Crète vénitienne, les artistes byzantins qui exerçaient à Constantinople trouvent refuge à la chute de Byzance prise par les Turcs en 1453. Et la Crète devient un merveilleux foyer artistique, un des plus importants de la Méditerranée. Ces peintres byzantins qui héritent de toute la tradition millénaire de cet empire s'y confrontent à la Renaissance italienne et cela donne un art renouvelé de l'icône. On va s'approcher de cette icône que vous avez choisie. En toi se réjouit toute la création. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Comment est-ce qu'on nomme une icône? Alors ce titre est traditionnel. Il correspond à une hymne byzantine dédiée à Marie. En toi se réjouit, c'est en toi Marie, Mère de Dieu, se réjouit toute la création. Et cette hymne est très ancienne. Elle a été écrite probablement par un père de l'Église, Jean Damascène, qui a vécu à Damas, comme son nom l'indique, à la fin du 7e siècle et au début du 8e siècle. C'est donc un arabe chrétien, il vit sous le calife de Damas, c'est un haut fonctionnaire aussi, et un théologien. Et il ne s'est pas contenté de tous ses écrits théologiques, il a aussi écrit un certain nombre d'hymnes. Ce sont des petits poèmes courts qui étaient chantés dans la liturgie byzantine et qui forment une immense littérature. Nous sommes à présent devant cette icône. Peut-être avant de la décrire, on peut signaler une des particularités. Je l'ai lu avant de la voir. Je sais que cette icône, ce qui n'est pas très fréquent, est signée. Ceci dit, là on est devant et je ne vois pas la signature, peut-être que vous pouvez me la montrer. Alors le peintre signe, mais il est humble, donc il faut chercher la signature. Elle est discrètement apposée en blanc au centre de l'icône, tout en bas, sous les pieds des saints. Selon la tradition, l'artiste, le peintre d'icône, l'iconographe, ne signe pas. Il s'efface devant le prototype qu'il est censé reproduire d'âge en âge, mais en Crète vénitienne, probablement au contact des artistes italiens que les peintres d'icônes croisent dans l'île, il y a une sorte de professionnalisation de la peinture d'icônes et les peintres se mettent à signer. Donc Frank Ghias Cavertsas a signé cette icône. On connaît 6 autres icônes de lui. Celle-ci était inconnue jusqu'à ce que Roger Cabal, le donateur du Petit Palais, l'expose pour la première fois dans les années 90. Alors, est-ce que vous pouvez, Raphaël Ziadé, nous décrire cette icône « En toi se réjouit toute la création » ? Comme toutes les icônes, c'est une peinture sur bois à fond d'or. Elle a pour particularité d'être un format quasiment carré, 53 cm sur 56. Et sur cette petite surface, le peintre a casé toute l'histoire du salut depuis la création du monde, avec le cycle des 6 jours, jusqu'à la Jérusalem céleste qui attend l'humanité à la fin des temps. Et alors c'est tout à fait une prouesse de voir comment un peintre compose dans l'espace un tel récit, tout en suivant l'hymne, le texte d'où est tirée cette image. Image qui apparaît d'ailleurs à la chute de Constantinople et pas avant. Ce qui est assez intéressant, il y a donc entre le texte initial et cette image presque 800 ans. Alors, comment est-ce que ça se regarde, une icône comme ça ? Comment est-ce que ça se lit, peut-être ? On est tenté de penser qu'on part du centre, puisqu'au centre, on voit Jésus. Mais est-ce que c'est pas par là qu'il faut finir aussi ? Voilà, on peut commencer dans deux sens, mais il est certain que l'œil est d'abord attiré par la figure centrale, qui est la Vierge en trône, qui tient l'enfant, le Christ, sur ses genoux. Elle est entourée de Jean Damascène, donc l'auteur de l'hymne qui la glorifie, et d'Isaïe, un prophète aussi qui a annoncé la naissance du Christ. Elle a aussi auprès d'elle Adam et Ève, ressuscités, qui revêtent des vêtements somptueux, et tout autour d'elle se déploie sa généalogie, l'arbre de Jessé, tous ses ancêtres, Jessé étant le père du roi David. Alors tout est en cercle, un premier cercle autour de la Vierge, un deuxième cercle avec l'arbre de Jessé et un troisième cercle avec des anges réunis, 11 anges qui semblent chanter cet hymne dans un mouvement perpétuel qui évoque un mouvement cosmique. Et autour de ces anges s'étage une ville extraordinaire, une Jérusalem céleste, qui se détache dans un très beau fond bleu nuit émaillé d'étoiles et d'une lune. Et cette Jérusalem céleste emprunte des éléments architecturaux à la fois à Byzance, avec de belles coupoles byzantines, mais aussi à l'époque gothique italienne. Et on voit des petites tours à clochetons avec des fenêtres en ogive qui sont tout à fait semblables à la basilique Saint-Marc de Venise. Et d'ailleurs, aux surprises, en haut du dôme principal, un petit drapeau flotte. Et quand on s'approche avec une loupe, on voit qu'il s'agit du drapeau vénitien, du drapeau de Saint-Marc, avec le lion de Saint-Marc. Voilà, il faut s'approcher parce que ce drapeau fait quelques millimètres sur l'image. Cette représentation de la Jérusalem céleste, Raphaël Ziadé, est-ce que c'est justement par là qu'on peut deviner, quand on ne connaît pas une icône, de quand date l'icône et d'où elle est originaire, puisque on a parfois l'impression que toutes les icônes se ressemblent. Or, il y a des indices qui peuvent laisser penser que l'artiste a une liberté ou témoigne par certains indices d'une origine, d'une époque. Ah oui, tout à fait, c'est un élément déterminant pour analyser le style d'une icône. C'est un très bon indice, l'architecture. Là, c'est une architecture mixte, composite, qui montre bien que cet artiste byzantin connaît, soit par des voyages, soit par des gravures, soit par l'architecture qu'il a sous les yeux, dans cette crête vénitienne, l'art gothique occidental. Alors revenons un peu au centre de cette icône et à ces personnages que vous nous avez présentés, Raphaël Ziadé. Vous nous avez parlé de cercles concentriques. Le premier fait donc une douzaine de centimètres de diamètre. Et on a Marie et Jésus, facilement identifiables et immédiatement identifiés. Vous nous avez dit qu'à leur droite, il y avait Isaïe, le prophète, et à leur gauche, Jean Damascène, l'auteur de l'hymne. Alors, on ne va pas décrire tous les personnages qui sont sur cette icône. Ils sont plus d'une cinquantaine, je dirais, à vue d'œil. Comment est-ce qu'on identifie un personnage? Comment est-ce que vous savez que ce personnage à gauche, qui a une longue barbe brune et une sorte de turban blanc sur la tête, est Jean Damascène, le père de l'Église du 7e siècle? Oui, alors Jean Damascène, c'est un des plus faciles à repérer car il a toujours un turban. Turban qui signale son origine orientale et sa vie auprès des califes de Damas. Mais donc il est souvent représenté sur des icônes? Dans des fresques, sur des icônes et aussi dans des manuscrits qui lui sont attribués, on trouve la figure de Jean Damascène sous cette forme avec un turban. Et c'est le seul père de l'Église qui possède un turban. Il y a, vous l'avez dit, plus de 50 personnages sur cette icône et représenté aussi toute l'assemblée des saints de l'Ancien et du Nouveau Testament qui sont là aussi pour célébrer la gloire de Marie. Et on reconnaît les saints sur les icônes grâce à leur portrait type, quand ils en ont un, ou par leurs attributs, ou par leurs habits. Et aussi par les inscriptions qu'ils peuvent porter au-dessus de leur tête, ou dans les rouleaux qu'ils tiennent et qui ont des extraits de leurs écrits. Et c'est la combinaison de tous ces éléments qui permet l'identification d'un saint en particulier. Alors ici, c'est foisonnant. On a à la fois, par exemple, Moïse et les tables de la loi, le grand prêtre Melchisédek et son encensoir, on a des rois d'Israël qu'on reconnaît à leur couronne, David et Salomon, tous les pères de l'Église. Alors, ils sont pour la plupart évêques ou archevêques. Ils ont donc une tenue d'évêque avec un homophorion. Qu'est-ce que c'est qu'un homophorion? C'est l'étole sacerdotale. Ils ont... Donc ça, ce sont les personnages qui sont sur la gauche. Oui. Et alors, pour cette paire de l'Église, donc, je sais qu'il y a là Basile de Césarée, Grégoire de Nice, Grégoire de Naziance, Jean Chrysostome. Chacun, selon qu'il est chauve, barbu, barbe blanche, barbe brune, on sait qui c'est. Il y a des codes pour les représenter. Alors oui, c'est assez étrange d'ailleurs, car il y a des codes qui sont fixés par la tradition alors qu'on ne les a jamais vus. Et qu'aucune description physique n'était disponible pour les peintres. Par exemple, Pierre, Saint-Pierre, le chef des apôtres, est représenté sur l'icône. On le reconnaît facilement à sa barbe courte, très fournie, à ses cheveux blancs également très fournis. Il n'a pas les clés du paradis. Il aurait pu avoir les clés, car les clés apparaissent de façon très ancienne. On trouve déjà les clés dans une icône de Saint-Pierre du 6e siècle, qui est conservée par le monastère Sainte-Catherine du Sinaï. Alors, il aurait pu avoir les clés, mais là, son portrait robot suffit. Derrière lui, Saint-Paul, alors tout aussi reconnaissable. Il a toujours le crâne dégarni, allongé, en forme d'œuf. On ne peut pas le rater non plus. Saint-Luc, là, est facilement identifiable car il tient l'icône de la Vierge. Il est considéré comme avoir écrit son évangile, mais aussi avoir peint le premier portrait de la Vierge, du vivant de la Vierge. C'est une légende, mais néanmoins, elle est très ancrée dans la tradition chrétienne. Et alors, on a aussi quelques femmes sur cette image. Alors, Effectivement, il y a des femmes. Il y a des femmes à gauche avec la cour impériale qui est également représentée, donc des princesses et des reines byzantines, dont une qu'on peut identifier, la très importante sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, qu'on reconnaît parce qu'elle tient la vraie croix. La légende lui attribue le fait d'avoir retrouvé la croix du Christ à Jérusalem quand elle a accompagné son fils Constantin qui voulait venir retrouver le tombeau du Christ et bâtir le Saint-Sépulcre. Ils sont d'ailleurs postés au seuil de la Jérusalem céleste, eux qui ont joué un si grand rôle dans la Jérusalem terrestre. Et de l'autre côté de cette assemblée des saints, un certain nombre de saintes, des moniales, des vierges, des martyrs, qu'on reconnaît à leur physionomie féminine et à leur voile. Et là, on peut reconnaître sainte Parasève et sainte Marine, en grenat et en orange, et dans les ermites, sainte Marie l'Égyptienne, qui est une femme ermite, une prostituée d'Alexandrie qui s'est convertie dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, et qui a vécu toute sa vie au désert. Il y a une très grande stabilité des attributs et des traits attribués aux saints. En revanche, des libertés, il y en a dans la composition. Je dirais qu'il y en a dans ce qui n'est pas théologique. Par exemple, dans les architectures, dans les paysages. À la fois, ce qu'il faut regarder, c'est la stabilité et l'innovation. Et l'innovation, on la trouve souvent dans les bordures. Et c'est le cas de cette icône. De chaque côté, on trouve le récit de la création du monde. Je vous rappelle le titre, « Marie, en toi se réjouit toute la création ». Et donc, cette création est représentée. Le cycle de la création, c'est pour les peintres un programme qui a été traité des centaines de fois. Avant qu'Avertsas, il y a plus de 700 cycles, ne serait-ce que dans le christianisme oriental. Et malgré la pesanteur de cette tradition, c'est là que le peintre innove. Et on le voit en particulier avec une petite vignette magnifique qui pourrait avoir été peinte à notre époque, tellement elle tend vers l'abstrait et la simplicité. Il s'agit de la première aube du monde. Elle est composée de trois bandes, le ciel, la mer, la terre, et sur la mer, à l'horizon, une pointe d'orange qui signifie ce soleil qui se lève pour le premier jour. Et la simplicité de cette vignette est stupéfiante. Et là, on se dit que le peintre a donné libre cours à son imagination, en se libérant de tous les canons byzantins. C'est, si on part du coin en haut à gauche de l'icône, la cinquième vignette. Donc on voit Dieu, l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux, la séparation de la lumière avec les ténèbres, cette première aube. Et en dessous, dans le coin inférieur gauche, donc, la création de l'homme, manifestement, avec une représentation de Dieu assez étonnante. On voit, semble-t-il, un Dieu, un personnage à deux têtes. Oui, alors dans cette icône, on a une rareté, on a le Créateur représenté sous trois formes. Alors de façon classique, en tout cas pour nous occidentaux du XXIe siècle, sous la forme de Dieu le Père, en vieillard barbu, sous la forme du Logos, c'est-à-dire du Christ, jeune, avec sa barbe brune, et sous la forme de la Trinité. Et c'est ça dont nous parlons ici, la Trinité réunie pour la création d'Adam. Ce qui correspond au verset de la Genèse, « Faisons l'homme à notre image ». Et ce « faisons » n'est pas un pluriel de majesté, où Dieu se parlerait à lui-même, c'est bien un pluriel qui renvoie aux trois personnes de la Trinité réunies ensemble pour ce grand moment qu'est la création de l'homme avec un grand H. Et donc j'ai dit que le personnage avait deux têtes, il s'agit de celle du Père et du Fils, et juste à droite de la tête du Père, on voit une colombe qui représente la troisième personne de la Trinité. Exactement. Donc un personnage, un seul corps pour deux têtes, hein, ce qui est relativement presque monstrueux, bien que très élégamment peint. Et cette colombe qui sort de l'auréole dans le cou de Dieu le Père, qui sort de cette irradiation qui est la lumière que représente l'auréole. Donc six vignettes à gauche, six autres vignettes à droite qui représentent donc la suite, le troisième chapitre de la Genèse, Adam et Ève, la création d'Ève et puis la chute, le péché originel, jusqu'au moment où Dieu chasse Adam et Ève de l'Éden. Oui, tout le récit est là, avec le serpent qui propose la pomme. Et alors Dieu apparaît, dans Dieu le Père à nouveau, un vieillard barbu, apparaît dans un petit nuage, dans chaque vignette. Ça se présente comme une bande dessinée avec différents épisodes. Et à la fin, Adam et Ève découvrent qu'ils sont nus après avoir péché et sont sortis du paradis. La porte du paradis est représentée par un petit monument avec un toit triangulaire en rose qui évoque le porphyre. Et c'est un séraphin magnifique, tout de feu, hein, il est igné de couleur orangée, qui conduit Adam et Ève, revêtus, là, qui ont dû se couvrir, qui les conduit à la porte du paradis. Mais Adam et Ève, on va les retrouver aux côtés de la Vierge, dans le premier cercle, au centre. Et donc Adam et Ève sont les premiers ressuscités, et c'est pour cela qu'on les retrouve ici, aux côtés de la Vierge, dans cette glorification. Une glorification qui est celle d'après le jugement dernier. On est face, dans cette icône, à ce qui adviendra après la fin des temps pour les chrétiens. Belle, elle est aussi passionnante. Alors, ce sont les deux raisons pour lesquelles je m'y intéresse beaucoup. Elle est belle d'abord parce qu'on a affaire à un grand peintre, un miniaturiste de génie qui utilise des coloris extrêmement doux. Le rose et l'oranger dominent. C'est aussi quelqu'un qui a su caser tous les éléments dont je parlais dans une petite surface avec un art de la composition très évolué, très maîtrisé. Les cercles concentriques, moi, m'évoquent la musique des sphères, la musique céleste. On a l'impression qu'elle est vivante. Et c'est pour cela que j'ai eu envie de savoir comment était la musique de l'hymne, puisque l'hymne qu'elle illustre était chanté. Et j'ai demandé à un compositeur contemporain, Michel Petrosian, de faire une œuvre musicale autour de cette icône pour lui redonner la dimension musicale. Et grâce à cette œuvre qui a été créée au Petit Palais il y a quelques semaines, on a pu adjoindre l'image qui était projetée dans ce spectacle et la musique. Et pour moi, c'était rendre compte de la dimension audiovisuelle de Byzance. Car il faut imaginer que ces icônes étaient données à contempler dans les églises avec de la musique de la liturgie. Et l'expérience des Byzantins, c'est une expérience audiovisuelle et même sensorielle, car il faut imaginer aussi l'odeur de l'encens. Et donc la vision est accompagnée d'autres sensations. Et je crois que le fait que cette image illustre une hymne nous rapproche de cela. Voilà donc pour ce reportage réalisé au Petit Palais à Paris en ouverture de cette émission. La prise de son était signée Benjamin Thuo et la réalisation Marie-Laure Ciboulet. C'est vous, Victor Massé de l'Épinay, bonjour. Bonjour Emmanuel. Qui l'avait réalisé dans notre série Destin des images. Et nous avons donc commencé par cette icône pour continuer avec nos deux invités. Grégoire Aslanoff, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur d'études au CNRS et enseignant à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Et François Bofflug, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien du Christianisme christianisme et vous êtes en duplex depuis les studios de la RAI à Milan. Vous êtes auteur, entre autres, de Dieu et ses images chez Bayard. Je voudrais commencer par une question relativement simple. Lorsque on évoque cette question de l'icône, on évoque souvent la fixité des images, c'est-à-dire des images qui se seraient reproduites de décennie en décennie et de siècle en siècle, sans aucune variation. Or, il faut historiciser ces images, François Bofslug. Bien évidemment, il y a de l'histoire qui entre dans cette composition des icônes. Et comment ? Il faut, si vous voulez, tenir compte du fait que pendant des siècles, l'art de l'icône a vécu, s'est adapté, a été inculturé, comme nous dirions aujourd'hui, dans un certain nombre de siècles et de contrées. Et par conséquent, pour dire, si vous voulez, que l'art de l'icône est fixiste, figé, il faut ignorer ses multiples variations. C'est clair. Hein. Oui, Grégoire. Bon, maintenant, si on dit cela, c'est parce qu'on a le sentiment que l'art de l'icône a une ligne, là où parfois cette ligne directrice manque un peu à l'art religieux d'inspiration chrétienne en Occident. Mm-hmm. Donc c'est par comparaison, dites-vous, voilà. François Bofslug. Je pense. Grégoire Aslanov, sur ce point. Oui, c'est absolument remarquable. Même si on prend qu'une partie, l'histoire de Byzance, c'est Milan. Et en Milan, il y a eu une évolution. Il y a d'abord une période où il n'y a pas d'icône, déjà. Oui, alors au 8e siècle, une crise, la fameuse crise iconoclaste où les empereurs, parce que c'est un mouvement qui part plutôt de l'entourage de l'empereur, remettent en cause la vénération et la possibilité de représenter Dieu, hein, qui est, et donc détruisent les icônes. Et donc il y a effectivement un débat au sein de l'Église. Parce que et pas simplement de l'Église, de la cour, de tout l'entourage de l'empereur en l'occurrence. Et des moines qui sont souvent à Byzance le contrepoint du pouvoir et qui eux sont très attachés aux icônes. Et donc on a parlé de Saint Jean Damascène, c'est un des grands défenseurs de l'icône. Victor Massé de l'Épinay. Oui, François Bofslug, cette querelle des images, elle a des fondements théologiques et peut-être que si on s'attache au destin historique, enfin à l'histoire des icônes, il faut repartir un peu de ce point théologique qui est le 20e chapitre de la Genèse, entre autres, qui intime l'ordre de ne pas représenter Dieu, ni d'ailleurs les choses qui sont en bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que terre. Bref, de ne pas représenter la création. Et pendant les deux premiers siècles du christianisme, il n'y a aucune image de Dieu, semble-t-il. Et ces images, comment est-ce que finalement, elles apparaissent ? Elles apparaissent comme les dessins et les photos de famille sont échangés entre les amoureux. Je veux dire par là que les chrétiens ont eu spontanément envie de représenter ce à quoi ils croyaient. C'est un mouvement spontané, si vous voulez, de l'espèce humaine d'exprimer de toutes les manières possibles, par des chansons, par des hymnes, par des dessins, etc., ce qu'ils aiment, ce à quoi il croit. Bon. Et c'est né comme cela. Maintenant, vous parliez de l'interdit de l'image dans le décalogue. Je voudrais simplement souligner au passage que c'est une interdiction qui ne porte pas sur la figuration en tant que telle, mais sur tout ce qui peut être considéré comme indispensable pour s'adresser à Dieu. Dieu dit au peuple d'Israël, vous n'avez pas besoin de passer par des images, par des statues, par des fétiches pour me parler. J'ai l'oreille fine, je vous entends bien, pas besoin d'images. Bon. Et du coup, c'est ce que l'on pourrait appeler la condamnation de toute image cultuelle. Et là où l'icône, si vous voulez, va poser problème pour un certain nombre de théologiens et d'hommes politiques et de moines à Byzance, c'est que, au fond, ces images ont l'air de désobéir au commandement du décalogue, puisqu'elles vont réintroduire une dimension cultuelle. Oui, c'est une question importante, Grégoire Aslanov, que vous avez déjà abordée dans le début de cette discussion. Qu'y a-t-il dans l'icône ? C'est-à-dire, l'icône est-elle juste une représentation ou est-ce que c'est la présence puissante et agissante, pourrait-on dire, de Dieu, et donc à ce titre-là, elle est plus qu'une simple image en l'occurrence, Grégoire Aslanov. Oui. Et ça fait c'est dans ces discussions-là qu'il y a, dans cet écart-là, qu'il peut y avoir débat. Le grand débat de l'icône tourne autour de la représentation du Christ, qui pour un byzantin, un chrétien, est le fils de Dieu, c'est Dieu. Et je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que la justification de la représentation de Dieu passe par ce moment de l'incarnation, c'est-à-dire que le fils de Dieu se fait chair, et il habite parmi les hommes, donc il a été vu, touché, comme dit saint Jean dans son épître, et donc on peut le représenter. C'est ça la grande réponse des iconodoules, ceux qui combattent l'iconoclasme. Mm-hmm. Ceux qui défendent donc l'usage, pourrait-on dire, à Byzance, de ces icônes. Et cela, justement, François Bofflug, c'est aussi une question de puissance, pourrait-on dire. Quand je posais la question « qu'y a-t-il dans une icône ?», c'est à quoi sert-elle d'une certaine façon ? Est-elle juste là pour rappeler l'existence de Dieu, pour rappeler le Nouveau Testament, ou est-ce qu'elle est plus que cela, en l'occurrence, François Bofflug? Plus que cela, et c'est son génie, et c'est aussi son apport spécifique à l'histoire de la foi chrétienne, elle est une présence en vue d'une rencontre. Je ne peux pas résumer mieux, si vous voulez, ce que l'icône apporte de spécifique par rapport à toute imagerie de remémoration, d'utilisation catéchétique, de plaisir esthétique. L'icône est une présence en vue d'une rencontre. Pardonnez-moi de le répéter, mais c'est une formule à laquelle je crois. Oui, Victor Massé de l'Épinay. Oui, mais alors c'est précisément là, François Bofflug, que le bât blesse, j'ai envie de dire, puisque vous nous avez dit il y a quelques instants que l'icône était apparue doucement, comme les photos de famille, comme quelque chose une tendance naturelle de l'homme qui n'entre pas en contradiction avec le commandement du Décalogue de représenter Dieu dans une vue de médiation. Puis vous nous dites maintenant que l'icône est quelque chose, est une sorte de canal de la révélation ou quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui permet la rencontre avec Dieu. Donc on a vraiment dépassé le simple stade de la photo de famille. Oui, encore que les photos de famille permettent de se rendre présent, si vous voulez, à ses parents et de rendre ses parents ou ses amis présents à ce que l'on aime. Bon, alors effectivement, l'icône, d'une certaine manière, représente un développement que le judaïsme comme tel ne pouvait pas prévoir et qu'il paraissait exclure. Bon, en ce sens, si vous voulez, les deux siècles de l'histoire du christianisme où il n'y a pas une seule image s'explique aussi par le fait que Jésus était un juif, les apôtres étaient des juifs, et au fond, le christianisme a été juif de ce point de vue pendant au moins deux siècles, sinon trois ou quatre, vous voyez. Bon. En gros, on peut dire que c'est au 7e siècle que l'on voit les premiers textes qui montrent une vénération, par exemple, par rapport à ces icônes, pas auparavant. Enfin, c'est très, très faible dans les textes. Il y a déjà au 4e siècle des textes de pères de l'Église, tel Grégoire de Nazianze, par exemple, qui s'émerveille de certaines représentations et n'ont absolument aucune honte de le faire en sorte d'être écoutés par leur peuple, si vous voulez, en tant que pasteur. Bon. En revanche, c'est vrai que la théorisation de cette présence que représente l'icône en vue d'une rencontre est relativement tardive, c'est-à-dire il y a eu d'abord les images, puis une réflexion sur les images, puis une théorisation de l'utilisation des images par les chrétiens au 7e siècle, partir du 7e siècle. Grégoire Aslanov, comment se passe la sortie de crise ? Vous nous avez parlé de cette crise iconoclaste, qui est à la fois une crise qui est de pouvoir, parce que le pouvoir joue son propre rôle, pouvoir séculier, mais aussi pouvoir religieux, dans cette Byzance donc qui voit se déclencher cette crise iconoclaste. Comment en sortons ? Quand en sortons ? Et de quels moyens sortons de cette contradiction qui vient d'être évoquée par François Bofflug ? Il faut un concile pour pouvoir dire on a le droit. En deux temps, à vrai dire. En 787, donc se réunit un concile, c'est-à-dire quand il y a un problème théologique, on réunit les évêques. Souvent, c'est d'ailleurs l'empereur qui réunit les évêques pour débattre et essayer de trouver la solution. Et donc, ce concile se réunit à Nicée, donc en Turquie actuelle, et proclame la légitimité de la vénération de l'icône. Et puis, au début du 9e siècle, il y a une deuxième vague d'iconoclasme, un peu plus subtile d'ailleurs, bon, on ne peut pas rentrer dans les détails, qui met en cause et dit, en fait, le problème de l'image, c'est que elle n'est pas consubstantielle au prototype. Et donc, elle n'a pas lieu d'être. La seule image possible pour ces iconoclastes, c'est l'Eucharistie, qui est, elle, vraiment le corps et le sang du Christ. Et la réponse est extraordinaire, et là, en disant, mais non, mais l'image n'a pas à être consubstantielle. Elle a un rapport de vecteur avec la personne qui est représentée. Et donc là, au milieu du 9e siècle, en 843, les iconoclastes sont définitivement balayés. Écartés, et donc on peut à nouveau... Alors, cette fois, oui, Sainte-Sophie à Constantinople se revêt à nouveau de mosaïques. Oui. Victor Massé de l'Épinay. Alors maintenant que les icônes sont acceptées et que leur vénération est légitime, se pose la question des peintres, des iconographes, puisqu'il va maintenant s'agir de représenter des images qui sont... Elle aussi, je ne sais pas s'il faut dire valide ou licite, mais enfin qui se prête à la vénération. Et donc, il y a l'instauration peut-être d'un canon ou de règles qui font que certaines icônes sont bonnes et d'autres non. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on peint une icône, Grégoire Aslanov. Oui, il faut se conformer à une tradition, mais une tradition vivante. C'est-à-dire que la façon dont le chrétien reçoit le message évangélique, c'est que chaque génération doit l'assimiler. Et apporter son grain, sa pierre à cet édifice, qu'il soit d'ailleurs la théologie ou l'icône, parce que l'icône est théologique. Hein. C'est en fait l'icône, on peut la résumer comme l'art dont s'est doté l'Église pour exprimer la profondeur de ses dogmes, d'être en conformité avec ses dogmes. Or, le dogme fondamental du christianisme, c'est que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est une formule que les pères de l'Église ont souvent répétée. Et c'est ça que veut représenter l'icône, c'est l'homme déifié, le corps glorieux, c'est pour, le corps glorifié. Et c'est pour ça qu'il y a une particularité, une sorte de langage visuel qui permet de représenter ce corps glorifié. Et cela, François Bossuet, se fait en fonction des aléas, pourrait-on dire, de la vie politique et de la vie de l'Église dans cet espace géographique. Donc, par exemple, après le grand schisme, donc après le 11e siècle, ou peut-être avec l'arrivée des croisés qui viennent détruire une bonne partie de la ville et s'emparer des richesses de l'Empire byzantin et de Constantinople en 1204. Enfin, est-ce que ces événements politiques, ces événements géopolitiques ont une influence justement sur la façon dont on représente et dont on compose ces icônes au fur et à mesure du temps, François Bossuet? Oui, bien sûr. Les chrétiens vivent dans le temps. Ils ont comme rôle dans l'histoire du salut de transmettre l'évangile qui sauve à leurs compatriotes, à leurs contemporains. Bon, mais permettez-moi de revenir un petit moment juste sur ce que disait Grégoire Aslanov il y a un instant à propos de ce que transmet principalement, si vous voulez, l'icône. Je suis frappé du fait que le concile de Nicée II, que Grégoire a cité, qui s'est réuni en 787, dans sa décision terminale, ce qu'on appelle le horos, le décret, nomme 4 sujets d'icône. Et pas 5, pas 12, 4. Le Christ, la Vierge Marie, la Sainte Théotokos, les anges et les saints. Or, il ne s'agit là que de personnes. Bon. L'icône ne transmet pas des vérités. Elle ne fait pas une somme catéchétique ou une somme théologique, un résumé. Non, elle montre des personnes qui sont soit le Christ, soit des personnes christifiées. Bon. Et c'est pour ça que je tiens, si vous voulez, à souligner que, au fond, ce que va transmettre l'icône, c'est un rapport stimulant à des personnes qui précèdent les chrétiens et tous ceux qui aspirent à la vie avec Dieu dans ce chemin de sanctification de l'existence. Voyez. Bon. Alors, pour dire cela, effectivement, comme vous le suggériez, il va falloir à chaque fois pointer ce qui, à une époque, à chaque époque, pose problème sur le chemin de la sanctification. Oui, bien sûr. Vous voyez, et du coup, ça va créer un certain nombre de circonstances particulières. Par exemple, lorsque les actes du Concile Nicée II sont transmis en Occident, cela rencontre une tradition qui est beaucoup plus soucieuse de catéchèse, de compréhension, d'enseignement, et qui remonte au pape Grégoire Ier le Grand, qui demande que les images puissent exister dans les églises pour enseigner la foi à ceux qui ne savent pas lire la Bible. Ouais. Bon, autrement dit, vous voyez, une espèce d'orientation catéchétique. Et le problème de l'icône, quand elle parvient en Occident, il va être toujours là, c'est-à-dire quelle est la part de ce qui peut être autorisé en termes de culte, de dévotion, de rencontre personnelle, et quelle est la part de ce qui revient à l'enseignement, à la catéchèse, etc. Oui, il y a tout de même un moment dans l'histoire de l'art, en l'occurrence Grégoire Aslanov, et peut-être dans l'histoire de la théologie aussi, où les deux univers se rencontrent tout de même. On sait combien Venise, combien certaines cités de l'Italie ont emprunté justement à ces relations qui étaient des relations commerciales et des relations politiques avec cet empire byzantin pendant longtemps, des formes en tout cas. Je ne sais pas si ces formes revêtaient pour les Vénitiens et pour ceux qui les peignaient la même importance que pour les peintres d'icônes de Constantinople. Mais enfin, en tout cas, ces formes ont été empruntées. Oui, il y avait des contacts. On peut même remonter plus haut, au IXe siècle. L'apparition de l'art, en tout cas, une réapparition de l'art en Occident, à l'époque de Charlemagne, se passe par le contact avec les Byzantins, parce que beaucoup d'artistes avaient fui la crise iconoclaste et s'étaient réfugiés à Rome. Mm-hmm. Donc il y a des contacts, bien entendu. Et donc, moi, je voudrais revenir sur une chose, sur l'évolution, parce que vous vouliez évoquer la façon dont l'icône n'est pas figée. Mm-hmm. En fait, c'est très intéressant parce que quand un Byzantin veut innover, il regarde ce qui s'est fait précédemment. Mm-hmm. Il va remonter dans le temps. Dans la tradition. Je vous donne un exemple. Après la crise iconoclaste, on a besoin de se ressourcer. Eh bien, on va regarder ce qui s'est passé au VIe siècle. Il y a encore des monuments du VIe siècle. Qui n'ont pas été détruits Oui, parce que, par exemple, il n'était pas dans la sphère impériale. Et donc, on va comme une sorte de légitimité. Plus on est près de l'histoire du Christ. Christ, plus on est légitime. Mais on ne copie pas servilement. C'est une espèce de moteur. Et donc il y a plusieurs renaissances successives comme ça à l'époque byzantine, ça sera pareil au XIVe siècle, le dernier feu byzantin, ils vont regarder ce qui s'est passé au VIe siècle. Donc c'est un moteur comme ça. Victor Massé de l'Épinay. Mais j'insiste néanmoins dans ce processus d'innovation sur les possibles erreurs ou l'élaboration de canons ou de choses orthodoxes, pour prendre un mot... Dans le dogme, la tradition de l'Église qui s'est constituée a été souvent c'est souvent faite par le combat contre des hérésies qui fleurissaient ici ou là. Est-ce que dans l'image, il y a eu quelque chose d'équivalent? Est-ce qu'il y a eu des représentations qui étaient hérétiques ou peut-être déviantes ou hétérodoxes? Eh bien, dans la première partie de l'émission, lorsque Madame Ziadé a commenté la représentation de cette divinité à deux têtes, ça, par rapport au canon de l'icône, strictement théologique, c'est une hérésie. Mm-hmm. Mais bon, parce que on est au XVIIe siècle et que on est en Crète, on a un peu perdu cet respect quand même qui est presque la norme à Byzance, avec à peu d'exceptions près, qu'on ne représente pas le Père. La seule façon de représenter le Père, c'est par le Fils, qui est, comme disent les théologiens, le visible du Père. Et c'est la seule façon. Je pense que François Bossuet ne me contredira pas là-dessus. Non, il abondera dans le même sens, puisque Irénée de Lyon, qui est un père de l'Église vénéré en Occident comme en Orient, disait très joliment, je développe la formule de Grégoire Aslanov, le visible du Père, c'est le Fils, et l'invisible du Fils, c'est le Père. Mmh. Bon, cela dit tout, c'est une formule à méditer. Bon, et alors j'irai aussi dans votre sens pour préciser aussi que... En Occident, La question d'un dieu à deux ou à trois têtes a fait aussi l'objet d'un certain nombre de débats, et que celui qui fut le prieur de Frangelico a commencé de faire une liste des images à proscrire. Bon, un Gerson qui fut chancelier de la Sorbonne à Paris a continué dans la même ligne et a interdit, par exemple, strictement, ou en tout cas a signifié qu'il souhaitait que l'Église interdise strictement ce que l'on appelle les dieux tricéphales. Tout à l'heure, Raphaël Ziadé parlait de cette création d'Adam avec un dieu à deux têtes. Bon, il y a eu aussi des dieux à trois têtes, puisqu'il y avait trois personnes, voyez. Bon. Et les tricéphales ont eu un formidable succès. Je me permets d'ailleurs de signaler au passage que les condamnations ecclésiastiques d'images interdites sont généralement très inefficaces quand la population les aime beaucoup. Vous prenez les tricéphales, il y en a partout. Sur l'arc alpin en Europe. Même si elles sont interdites, effectivement. Même si elles sont interdites. Victor Massé de l'Épinay. Mais est-ce que ces représentations ont une origine? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut les dater? Et est-ce qu'il ne faut les expliquer que par ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être la liberté de l'artiste qui, tout d'un coup, se décide à innover ou à apporter une représentation inédite jusqu'à présent? Elles ont une origine, dans le cas dont nous parlons, cela remonte probablement à des représentations celtiques qui ont été, pour ainsi dire, christianisées et qui ont servi à résoudre ce problème qui a été un problème de tout temps pour les artistes. Comment faire pour représenter un dieu que nous confessons comme unique, le christianisme est un monothéisme, et en même temps qu'il y ait trois personnes qui ne font qu'un seul dieu. C'est une sorte de, si vous voulez, de problème permanent pour les artistes. C'est pour ça qu'ils se sont servis de cette représentation ancienne. Grégoire Aslanov, en commençant cette émission, Raphaël Ziadé nous disait dans le reportage au Petit Palais qu'il y avait peu de collections d'icônes en France en particulier. Et on sent, peut-être a-t-on tort d'ailleurs, une sorte de méconnaissance, d'incompréhension justement vis-à-vis de cet art des icônes constituées et développées à partir de Byzance, mais qui s'est répandu dans tout l'Orient orthodoxe, pourrait-on dire. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Est-ce qu'il y a, une distance qui s'est établie historiquement, par exemple avec la Renaissance italienne et la Renaissance occidentale par rapport à ce type d'art? Qu'est-ce qui, d'une certaine façon, a fait dériver deux continents qui auraient pu continuer à se comprendre d'une certaine façon? Je ne veux pas entrer dans une polémique, mais il y a quand même un petit problème de la mise au banc de Byzance par l'histoire. Ah ben ça, vous à avez partir raison. Du moment ça, où vous avez absolument raison. La chute après 1453, où donc les Ottomans prennent le pouvoir, le Byzance devient un petit peu en marge. D'autant plus qu'il y a quand même un divorce des chrétiens. Bien sûr. Vous avez évoqué 1054, mais il peut remonter au 9e siècle. Ouais, bien sûr. Et donc on va mettre un petit peu Byzance à l'écart. Et votre interprétation, François Boeuf-Luc, justement, de cette distance qui s'est créée progressivement vis-à-vis de cet art des icônes? Alors, je vais tout à fait dans le sens de Grégoire, et j'ajoute simplement ceci, c'est que la Renaissance et la peinture du grand siècle sont un formidable congédiement de tout ce qui fait l'âme de l'art de l'icône. Vous comprenez, on va vanter la créativité des artistes, penser à Michel-Ange, à Raphaël, à Léonard de Vinci, etc., jusqu'à en faire des quasi-dieux sur Terre, qui n'ont aucune norme à respecter, qui pensent surtout à inventer, à donner un peu, je sais pas comment dire, du neuf dans l'histoire de l'art. Ça, c'est Vasari, ça, c'est ce que vous décrivez. Oui, mais écoutez, Vasari, sur ce point, il est loin d'avoir tort. Bon, vous prenez la peinture du grand siècle, bon, elle n'a plus aucune mémoire de ce qu'a été l'art de l'icône, au point que lorsqu'un Goethe, plus tard, vous voyez, à la fin du XVIIIe siècle, bon, demande à ce qu'on lui montre des icônes et qu'on lui explique des icônes, il ne trouve personne pour lui expliquer. Bon, il y a une sorte de désert même de la mémoire de ce qu'a été l'icône en Occident. Bon, et c'est pour ça qu'on a pu parler ensuite, mais jusqu'au XXe siècle, des retrouvailles laborieuses entre les chrétiens d'Occident et ce qu'était l'icône. Bon, d'où tout ce qui s'est passé avec Berdiaïev, avec Soloviev, avec tous ces gens qui ont créé, si vous voulez, la paroisse moscovites à Paris, qui ont prodigieusement aidé à la redécouverte de l'icône. Oui, c'est beau ce terme c'est triste ce terme de congédiement que vous avez utilisé, en l'occurrence François Bofflug, mais c'est vrai que ça ressemble à ça, c'est-à-dire que d'un seul coup on balaye de la main l'existence de ces décennies et ces siècles d'histoire et d'histoire de l'art. Et on arrête de faire ce que Grégoire évoquait tout à l'heure, à savoir des échanges permanents entre l'art de l'Occident et l'art provenant d'Orient. Il a tout à fait raison, Grégoire, quand il nomme les artistes qui sont venus sur, pas seulement à Rome, mais sur toute la côte de l'Adriatique en Italie, et qui ont énormément fourni d'idées aux peintres occidentaux, qui n'arrêtent pas de s'en inspirer, vous voyez. Bon. Ouais. Et l'inverse est vrai, enfin la réciproque est vraie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées occidentales qui ont été emprunté par les peintres des icônes. Oui, Victor Massé de Lépiné, pour conclure. Oui, Grégoire Aslanoff, on a beaucoup parlé de l'innovation dans l'icône et du fait que c'était une tradition vivante. Vous êtes vous-même peintre iconographe. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a encore des thèmes nouveaux qui fleurissent dans l'iconographie ou des nouvelles façons de représenter des choses connues? Des apparitions de thèmes, plutôt des réflexions sur l'histoire. C'est que si on veut innover, faut bien connaître l'histoire pour ne pas dévier de quand même des canons qui existent et ne pas justement tomber dans le culte de l'invention, comme disait François Bofflug, parce que c'est un art qui est ecclésial et qui doit donc être admis par les fidèles. Et donc le peintre se met en retrait. Merci à tous les deux. Merci à vous, Grégoire Aslanoff. Je rappelle que vous êtes ingénieur d'études au CNRS et enseignant à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Et à vous, François Bofflug, historien du christianisme, historien des religions. Et vous étiez en duplex depuis les studios de la RAI à Milan. Et on peut conseiller, entre autres, votre livre « Dieu et ses images » chez Bayard, qui en est, je crois, à sa 3e édition. Voilà pour ce premier volet de notre série consacrée à la question des images, au destin des images, un volet préparé par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Anthony Thomasson était avec nous à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Et remercions également donc Raphaël Ziadé pour avoir participé au reportage qui ouvre cette émission, comme d'ailleurs toutes les émissions de cette semaine.